Je m'appelle David Haynes, je suis membre de l'équipe pastorale à l'Église évangélique d'aujourd'hui dans le coin de Bécancour. J'ai le plaisir de vous apporter la parole de Dieu un matin. On va tourner dans un texte que j'apprécie beaucoup, Romains chapitre 8. Nous allons commencer dans le verset 18. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ce verset est puissant. Paul y dit, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure. Commune mesure. Quand on pense à commune mesure, on peut penser, mettons, au mètre kilomètre. On est capable de mesurer ça, on est capable de même le comparer. On est capable de penser, mettons, au litre, millilitre. On est capable de comparer, on est capable de... Quelqu'un qui est plus mathématicien que moi pourrait te dire combien de millilitres sont dans un litre. Je dis ça un peu en joke. Tu sais, on peut calculer combien de temps que ça prend pour aller avec les kilomètres. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Paul, il dit, il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de ce temps et la gloire qui va être révélée pour nous. Aucune commune mesure. Est-ce que vous avez pensé à ce sens? Ça veut dire que c'est comme, des fois, je me suis fait dire que, une autre partie de qui je suis, c'est que je suis anglophone, j'habite au Québec depuis maintenant 2004, plus ou moins. Et je me suis fait dire qu'au Québec, on dit, c'est comme comparer des pommes et des oranges. C'est pas tout à fait ce que Paul est en train de dire, parce qu'on peut comparer des pommes et des oranges. On peut comparer le goût. Ils sont en fait, ils ont quelque chose en commun. Ils sont des fruits. On les mange. Quand on parle de ne pas être capable de comparer quelque chose, il n'y a aucune commune mesure. On est en train de parler plutôt quelque chose comme ceci. Essayez de comparer des millilitres et des kilomètres. Ou la couleur rouge et la distance d'ici à Montréal. Il n'y a pas de commune mesure. Il n'y a pas de comparaison. C'est juste pas faisable. Et c'est ça que Paul est en train de dire ici. Il n'y a aucune manière de comparer les souffrances qu'on peut vivre dans ce temps ici avec la gloire qui va être révélée pour nous. Et c'est ça qu'on veut regarder un matin. Ce verset est clé pour tout le chapitre 8, à partir du verset 18 qu'on vient de lire jusqu'à la fin. Et c'est à travers ce verset qu'on comprend tout le reste de ce chapitre. Dans ces versets, Paul énumère plusieurs avantages, privilèges, bénédictions que ont ceux qui croient en Jésus-Christ. Et il commence cette section en parlant des souffrances. Puis on pourrait peut-être demander de quel type de souffrance est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle de persécution? Peut-être. En fait, le mot souffrance dans ce verset ici est vraiment large. Et ça peut englober les persécutions que vous allez avoir comme chrétien. Par le fait de te dire chrétien, par le fait de t'afficher comme celui qui appartient à Jésus-Christ. Tu vas être persécuté et tu vas vivre des souffrances. Paul dit à Timothée, dans une de ses épîtres, « Tous ceux qui veulent vivre de manière pieuse vont être persécutés. » Il ne dit pas « Peut-être que ceux qui désirent vivre pieusement vont être persécutés. » Il y a une chance. Ça se peut que le monde taillisse. Il dit « Vous allez être persécutés. » Mais comme j'ai dit, ce mot « souffrance » englobe plus que juste les persécutions. Ça peut englober aussi, ça peut toucher aux souffrances de ce vie qu'on vit, la pauvreté, une perte d'emploi, la mort de quelqu'un qui est cher, des conflits. Ça englobe toutes les souffrances qu'on peut vivre. Je te dirais que sans minimiser nos souffrances qu'on vit au Québec, il y en a des chrétiens qui souffrent beaucoup plus que nous. Et ce verset devrait, autant pour eux autres que pour nous autres, être quelque chose qui nous encourage. Peu importe la souffrance qu'on vit, si on est en train de vivre dans la rue, puis on est obligé de couper un bras pour mieux quitter l'argent, ou si on est en train de dealer avec la perte d'emploi, on peut savoir qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de ce monde et la gloire qui va être révélée pour nous. Il y a un seul type de souffrance qu'un véritable croyant ne devrait jamais subir. Pierre en parle. En 1 Pierre chapitre 3, verset 17 et en 1 Pierre chapitre 4, verset 15, il explique que les souffrances qui sont causées par une vie qui est en désordre, par le fait de briser les lois du pays dans lequel on vit, par le fait d'être méchant. Si on dit, on souffre à cause de ça, Pierre, il dit, vous l'avez mérité. Si nous, par nos propres méchancetés, on crée des souffrances et on souffre à cause de ça, on est amené peut-être en cour ou en prison. Pierre, il dit, c'est pas pour Christ que tu as souffert. Tu as souffert pour tes propres actions. Et tu as mérité cette souffrance. Fait que dis pas que tu es en train de souffrir pour Christ. Bon, ayant compris un peu qu'est-ce qu'on va dire quand on parle de souffrance, on va aller regarder qu'est-ce que Paul est en train de dire en Romains chapitre 8. Paul nous explique trois faits liés avec cette verset ici qui ne devrait nous donner, et c'est le mot qu'on va revoir souvent ici, de l'espérance. Il nous parle premièrement dans le verset 23 que de l'espérance que nous avons pour la résurrection de nos corps. Deuxièmement, dans les versets 26 à 27, il parle de l'intercession de l'Esprit-Saint pour nous. Et finalement, dans les versets 28 à 30, de l'espérance que nous avons de la promesse de la gloire qui va se révéler en nous. Regardons chacune de ces affaires. Premièrement, l'espérance de la résurrection de nos corps. Versets 19 à 23. On lit ceci. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Dans ces versets ici, je vais juste faire un petit commentaire, nous voyons que d'un certain sens, la création est étroitement liée au sort humain. La création a subi une chute, les effets du chute, comme nous voyons en Genèse, autant que l'humain. Et Paul dit ici que d'un certain sens, toute la création attend avec hâtivement pour cette glorieuse future quand que les enfants de Dieu vont être révélés. Continuons. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. On vit dans cette vie ici, d'un certain sens, sous le joug des souffrances liées à ce vie corporelle, et nous avons hâte pour la rédemption de notre corps. Qu'est-ce qu'une espérance? On le voit, le verset 24, « Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. » Or, et notez-le bien, espérance, c'est pourquoi? Quand on parle de l'espérance, on parle de quelque chose qui est futur. Mais note qu'est-ce qu'il dit. Il parle du passé. C'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Quand on parle de l'espérance, on parle de quelque chose qui n'est pas encore présent. Tu peux penser, mettons, à le petit enfant, le petit garçon, peut-être, la petite fille de moins de 5 ans, t'es encore à la maison, puis elle a hâte ou il a hâte que ses parents, ou son, mettons son père qui est au travail, qui revient du travail. Puis il sait que, à tous les jours, il revient à l'entour de 4h30. Des fois un petit peu avant, des fois un petit peu après, mais il est toujours à l'entour de ce temps-là. Puis il fait quoi? Il attend à la porte. La porte est ouverte, il est là, puis il attend pour voir la voiture de son père qui arrive. Il a hâte. Il a l'espérance qu'à soir, son père revient, puis on va jouer ensemble. Il y en a, puis on peut peut-être parler de deux types d'espérance. J'ai, à un moment donné, dans mon église, j'ai donné l'exemple suivant. Il y en a deux types d'espérance. Il y a une espérance comme celle du petit garçon. L'espérance que son père revient à soir du travail, c'est basé sur quoi? Le fait que son père revient à tous les soirs du travail, à l'entour de 4h30. Il est toujours là. À tous les jours, son père part le matin à 7h, puis revient à 4h30. Et donc, à soir, il y a encore cette espérance que son père revient. Mais c'est une espérance qu'on pourrait dire, c'est sûr. N'est-ce pas? Il faudrait que quelque chose de vraiment grave arrive pour que son père n'arrive pas à l'heure qui arrive à tous les soirs. Il y en a aussi un autre type d'espérance, j'appelle une espérance perdue. Combien de monde ici sont des fans de Montréal Canadien? Et vous comprenez tout de suite qu'est-ce que je veux dire. Moi, je suis un fan des Montréal Canadiens plutôt réaliste. C'est-à-dire, j'espère qu'ils gagnent, sachant que ça se peut jamais qu'ils gagnent. Je pense que j'ai un ami qui est une fan des Blackhawks de Chicago, puis j'aime lui taquiner un petit peu, juste pour le rappeler que techniquement, les Canadiens ont gagné plus de Coupe Stanley que des Blackhawks. Fait qu'il y a peut-être plus d'espérance que les Canadiens gagnent que les Blackhawks, si on regarde juste les statistiques. Mais ça va pas loin, mon argument. Fait que quand on parle d'espérance, il y en a une espérance perdue. Une espérance qui est basée, que tu veux que quelque chose arrive, tu aimerais bien que quelque chose arrive, mais les chances que ça arrive sont vraiment minimes. Il y a un autre type d'espérance, une espérance qui est basée sur un caractère établi. Est-ce que vous voyez ça? L'enfant, là, qui a l'espérance de voir son père encore à 4h30 à soir, c'est basé sur le caractère établi de son père qui revient tout le temps à 4h30. L'espérance que nous avons, est basée sur quoi? L'espérance que nous avons, selon Paul, en 1 Corinthiens chapitre 15, pour la résurrection de nos corps, se base sur le fait historique, que Jésus-Christ est ressuscité de la mort. Notre espérance n'est pas basée sur des statistiques que peut-être que et probablement pas. Notre espérance est basée sur le caractère de Dieu qui ne se trompe pas, qui est infaillible. Et sur le fait que Jésus-Christ étant Dieu, ayant pris sur lui un corps humain, est venu souffrir pour nous puis qui est ressuscité de la mort. Regardons rapidement. Qu'est-ce qu'on dit ici? En 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 9 à 20, Paul y dit ceci. Après avoir parlé un peu de lui-même, versets 9 à 11, il parle du fait que Jésus-Christ est ressuscité, il est apparu à lui. Il dit ceci, verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-unes parmi vous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. Paul est en train de dire, ta foi se base sur un fait historique. Si ce n'est pas passé, si ça n'a pas eu lieu, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité de la mort, alors tout ce qu'on fait ici un matin ne vaut rien. Retournez chez vous. Ça ne sert à rien d'être ici un matin. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aura pas ressuscité. S'il est mort, ne ressuscite pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, verset 16, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, notez le mot espoir. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais il est ressuscité. Nous voyons un peu dans les évangiles, si on regarde les évangiles, nous voyons 4 témoignages différents qui parlent de la vie de Jésus-Christ. On voit Matthieu, on voit Marc, selon l'histoire, c'est probablement le témoignage de l'apôtre Pierre. Avec Luc, Luc, au début de son évangile, il dit, j'ai tout fait pour essayer de vous donner avec le plus d'exactitude possible, ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Et selon ceux qui examinent l'épître de Paul, l'évangile de Luc, qu'est-ce qu'ils pensent? C'est que les témoins oculaires que Luc a parlé avec, ce sont les femmes qui étaient dans la vie de Jésus-Christ, telles que sa mère. Et la raison pour laquelle ils disent ça, c'est parce que quand tu lis à travers l'évangile de Luc, qu'est-ce qu'on voit le plus souvent? Ce sont les témoignages des femmes, le point de vue des femmes sur la vie de Jésus-Christ. Et après, on a l'évangile de Jean, écrit par l'apôtre Jean. 4 témoignages. Mais nous avons aussi un 5e témoignage. Nous avons 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, qui provient, dans ses premiers versets, Paul dit, « Je vous donne ce que j'ai déjà reçu. » Et les critiques, les experts les plus critiques de la parole de Dieu, okay? Et ça, c'est important que vous compreniez ce point-là. Ceux qui sont les plus critiques de la parole de Dieu, qui ne croient à rien de la parole de Dieu, ils disent de ces versets-là qu'ils proviennent de plus ou moins 5 ans après la mort de Jésus-Christ. Et donc, nous avons en 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 3 à 9, le témoignage de l'Église primitive, ceux que eux y croyaient, littéralement 5 ans après que Jésus-Christ est mort. Et c'est quoi qu'ils disent? 1 Corinthiens, chapitre 15, les premiers versets, Paul il dit, « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. » Autrement dit, il a accompli les prophéties. Verset 4, « Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour. » Aussi, selon les Écritures, les prophéties accomplies. Et notez bien qu'est-ce qu'il dit par la suite. Ceci provient de probablement 5 ans après que Jésus-Christ est mort. Il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-unes sont décédées. Autrement dit, il y a 500 personnes qui ont vu Jésus-Christ ressusciter de la mort et tu peux encore aller parler avec eux autres pour leur demander si c'est vrai. La plupart sont encore vivants, quelques-unes sont mortes. Si tu ne me crois pas, va voir, va parler avec eux autres. C'est ça que Paul est en train de dire dans les années 60 quand il a écrit l'épître de Paul aux Corinthiens. Il dit ensuite, verset 7, il a été vu par Jacques. Et souvent, on passe par-dessus de ça, c'est comme si ça n'avait rien été. Est-ce que vous savez c'est qui Jacques? Le frère de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez qu'il est mentionné dans les évangiles? Le seul temps que Jacques est mentionné dans les évangiles, c'est quand ça nous dit que les frères de Jésus et sa mère sont venus pour le chercher dans la maison où il était, pour le dire d'arrêter de faire son ministère et de retourner chez eux à leur maison. Jacques était une des premières sceptiques et critiques de la ministère de Jésus-Christ. Son propre frère ne croyait pas en Jésus-Christ. Son propre frère ne le croyait pas. Mais Jésus est apparu à Jacques. Et comme nous voyons dans le Nouveau Testament, Jacques est devenu un des hommes les plus importants dans l'Église à Jérusalem. Sa vie était entièrement changée parce que Jésus-Christ est apparu à lui, qui était une critique, une des premières sceptiques. Et ensuite, il se dit, puis par tous les apôtres, verset 8, « Après eux tous, il s'est fait voir à moi, comme à l'avorton. » Et encore là, le fait que Jésus-Christ est apparu à Paul est encore important. Paul était loin d'être sympathique au christianisme. Paul haïssait ce nouveau secte et était allé chercher l'approbation des pharisiens pour pouvoir aller les tuer, les mettre en prison. Et Jésus-Christ est apparu à lui. Pas juste une sceptique, pas juste une personne qui ne croyait pas en Jésus-Christ, mais quelqu'un qui était opposé à Jésus-Christ. Jésus est apparu à lui et sa vie est entièrement changée. Il est devenu l'auteur de la moitié du Nouveau Testament. Par la grâce de Dieu. Donc nous avons des témoins oculaires, et nous avons beaucoup de témoins oculaires, qui disent que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Mais si Jésus-Christ est réellement ressuscité, alors notre espérance n'est pas en vain. Si Jésus-Christ est réellement ressuscité, alors nous savons que nous allons aussi être ressuscités avec lui. Encore 1 Corinthiens, verset 15, verset 22 à 23. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Il continue en expliquant que la mort, c'est le dernier ennemi que nous allons affronter, mais que Jésus-Christ l'a déjà vécu. Donc, nous avons l'espérance de la résurrection. Nous savons que parce que Jésus-Christ est ressuscité, que nous allons aussi être ressuscités avec lui. Mais c'est quoi que ça crée? Romains chapitre 8, verset 25. On revient à Romains 8. Qu'est-ce que ça devrait créer, cette espérance? Romains 8, verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, parce qu'on ne voit pas, surtout nous autres, il n'y a personne ici qui est témoin oculaire de la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons les écrits des témoins oculaires ici. Nous ne l'avons pas vu. Et Jésus parle de nous autres. Quand il parle à Judas, il parle de ceux qui croiront sans l'avoir vu. Nous n'avons pas vu, mais nous avons cette espérance. Nous ne voyons pas encore notre résurrection. C'est encore futur. C'est encore, pour ceux qui savent c'est quoi la mort, qui ont eu des proches qui sont morts, vous voyez la mort. Vous savez c'est quoi la mort. Vous savez que c'est la dernière souffrance à travers laquelle on doit passer. Mais nous ne voyons pas la résurrection. Et Paul y dit ceci, « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Revenez au verset 18, les souffrances du temps présent. Pourquoi il faut persévérer? Parce que ce n'est pas facile dans ce vie. Parce qu'il y a des tentations de quitter la foi. Il y a des tentations de croire que Dieu n'est pas aussi bon qu'on nous dise. Parce que quand on passe à travers la souffrance, la plus grande tentation, c'est de tourner vers Dieu puis de crier, t'es méchant. Parce que tu pourrais arrêter cette souffrance et tu ne le fais pas. Pourquoi? Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et on pense tous à Job. Ça, c'est la première chose, la première bénédiction que nous avons comme croyants. Nous avons une espérance solide, pas une espérance perdue. Nous avons une espérance basée sur un fait historique et sur la fidélité de Dieu. Donc, on persévère. La deuxième chose que nous voyons dans ce texte, Romains chapitre 8, les versets suivants, versets 26 à 27, l'Esprit Saint intercède pour nous. Verset 26. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qui intercède en faveur de ses saints, des saints. Il y a plusieurs manières de réagir à la souffrance et de passer à travers la souffrance. Et il y a plusieurs choses qui arrivent quand on souffre. Je ne sais pas combien de personnes ici ont déjà passé à travers une souffrance intense. Si vous avez déjà passé à travers une souffrance intense, vous allez comprendre un peu ce que je vais dire. Quand on commence à souffrir, quand que ça va mal, peu importe la raison, peu importe la souffrance, et là, tout d'un coup, le monde commence à savoir, ça, des fois, nos amis désirent nous encourager. Vous avez peut-être vu ça. Ça va mal, et on a des amis qui nous appellent, « Hey, je prie pour toi. » Souvent, je vais vous dire, c'est fait de manière vraiment maladroite. Je ne sais pas pour ceux qui ont déjà souffert, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Tu souffres, puis tu as un ami qui vient à côté de toi, puis c'est un peu maladroite, mais il veut être là pour toi. Et il dit quelque chose. Inquiète-toi pas, Dieu est souverain. Puis là, tu es comme, je sais, ça ne m'aide pas présentement. Parfois, nos amis pensent faire le bien et ils nous blessent encore plus. On peut penser aux amis de Job. La prochaine fois que je viens, j'espère parler un peu de ce que la Bible dit sur le problème du mal. Puis passer à travers les Écritures. Puis dans les Écritures, il y en a des fois que nous voyons que quelqu'un souffre à cause d'un péché. Okay? Des fois. Pas tout le temps. Et Jésus lui-même nous met en garde de ne pas penser que juste parce que quelqu'un souffre, que c'est à cause d'un péché. Okay? Puis on vous parlera ça de nos fois. Mais qu'est-ce qui se passe avec les amis de Job? Job souffre intensément. Ce n'est pas une petite souffrance. Il perd tous ses enfants. Tous ses enfants. Il perd tous ses travailleurs et tous ses biens. Autrement dit, ce n'est pas juste une question de perdre son emploi. Il était un homme d'affaires et toutes ses affaires ont écroulé. Ses enfants ne sont plus. Étant peut-être quelqu'un, un millionnaire dans son temps, il devient un homme qui n'a quasiment plus rien. Et j'ai entendu un humoriste aux États-Unis qui a dit ceci. Il dit, tu peux quasiment imaginer Job, tu vois Job, même sur sa santé est atteinte. Il est à côté d'un feu en train de gratter. C'est des blessures qu'il a pour enlever le pus de ses blessures. Puis tu peux quasiment imaginer un des démons qui s'en vient voir Satan et dit, « Hey, Satan, t'as bien fait ça, mais t'en manques une chose. T'as pas encore touché sa femme. » Vous voyez Satan qui dit, ouais, je sais, attends une minute, checkez bien ça. Puis la femme de Job vient dire à Job, maudit Dieu, il meurt. Les amis de Job viennent. Puis leur réaction à la souffrance de Job, c'est, qu'est-ce que tu as fait pour offenser Dieu autant? Répands-toi. Tu as sûrement péché. Juste pour vous dire, là, suive pas l'exemple des amis de Job. Avec des amis de même, tu n'as pas besoin d'ennemis. Souvent, quand on voit des gens qui souffrent, en fait, souvent, quand que nous, on souffre, on ne sait pas quoi faire. Le monde vient nous voir, puis on demande qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, puis il n'y a pas de réponse. Puis tu veux prier à Dieu, tu penses qu'il faudrait que je dise quelque chose à Dieu, mais les mots ne sortent pas. Tu n'as juste pas de mots. Mais on peut être encouragé que même quand on souffre, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Quand que nous, on ne sait pas quoi dire, quand que peut-être on ne veut même pas parler à Dieu, l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Il nous représente devant Dieu. Notez-le bien, il ne nous dit pas ce qu'il faut prier. Il ne nous donne pas les mots. Il prie pour nous. Il ne vient pas nous donner des mots qu'il faut dire. C'est pas ça que ça dit. Ça dit que l'Esprit-Saint intercède pour nous. Il prie pour nous. Il nous représente devant la face de Dieu. Même si on pourrait l'entendre, on ne le comprendra même pas. C'est des mots inexprimables. On ne comprendra pas. Il prie selon la volonté de Dieu et Dieu le comprend. Et il intercède pour nous, pas contre nous. Quand on passe à travers la souffrance, nous savons que nous avons l'Esprit Saint qui pleure pour nous autres et qui nous intercède pour nous devant Dieu le Père. La troisième chose que nous avons, c'est savoir que nous avons la promesse de la gloire à venir. Dans les versets 28 à 30, on lit ceci. « Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Je vais arrêter là deux secondes parce que avec tout ce que je viens de dire, notre réaction devrait être, quand on lit ce verset, « Ben voyons donc, ça n'a aucun rapport. » Quand on souffre et on ne voit pas pourquoi on souffre et on cherche une raison, puis il n'y en a pas. Puis toute ta vie s'écroule autour de toi. Tu lis ce verset, puis tu es comme, je t'aime Dieu. C'est quoi le rapport? Mais je veux vous dire quelque chose. Ce promesse ici en verset 28 doit être lu dans le contexte de ce qu'on a lu en verset 18. Il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent. Notez-le bien, il ne dit pas entre les joies du temps présent. Il ne dit pas entre les bonnes choses du temps présent. Il ne dit pas entre les temps plaisants et tous les plaisirs qu'on peut avoir dans sa vie. Il dit entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir. Pensez aux chrétiens du 1er siècle, 2e siècle, qui étaient tués pour leur foi. Est-ce qu'on pourrait dire que selon les mesures de cette terre, selon les standards terrestres, est-ce que toutes choses ont tourné pour le bien? Ils sont morts. Des fois, ils étaient mangés par des lions. Des fois, comme certaines des pères de l'Église ont dit qu'ils étaient attachés à une peau et ils ont allumé un feu sous leurs pieds et les ont brûlés vifs. Ce promesse n'est pas pour ce vie. Ce promesse n'est pas en train de dire, quand que tu passes à travers ce souffrance ici, inquiète-toi pas, parce que tout va tourner pour le bien dans ce vie. C'est pas ça que ça dit ici. Verset 18. Il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir. À venir, qui sera révélée pour nous. C'est quoi cette gloire? Tout le contexte ici, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Nous aussi, nous soupirons, verset 23, en nous-mêmes, en attendant quoi? Quelque chose de futur. L'adoption. La rédemption de nos corps. Quand on lit le verset 28, qu'est-ce qu'on voit ici? Ce n'est pas une promesse pour ce vie, mais pour la vie à venir. Oui, même pour le chrétien qui est mort sur un poteau brûlé vif, toutes ses souffrances tournent pour le bien parce qu'il s'en va avec Dieu. Paul n'est pas en train de dire « Ta vie va bien aller. Tous vos désirs terrestres vont être comblés par Dieu. » Il n'est pas en train de dire « Il va y avoir plus de bonnes choses dans ta vie terrestre que de mauvaises choses. » Prends une petite mettre toutes les bonnes balances, mettre toutes les bonnes choses côté ici, toutes les mauvaises choses côté ici, puis les bonnes choses vont être plus. Non, il n'est pas en train de dire ça. Il ne dit même pas ceci, que Dieu va prendre les circonstances difficiles dans lesquelles tu es, puis les changer pour que tu finisses par en sortir bien. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Je ne suis pas ici pour un matin pour vous encourager en vous disant que si tu souffres présentement, inquiète-toi pas, tu vas sortir dans pas long. Je suis en train de vous dire un matin, peut-être que tu vas mourir dans la rue. Encourageant, hein? Mais, verset 18, il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va te révéler pour nous. Même si ta vie terrestre est vécue dans les pires misères imaginables, que tu sois né dans la rue et tu meurs dans la rue, que tu sois tué pour ta foi, que tu réussis à devenir un milliardaire pour finir par vivre dans la rue, peu importe. Toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que nous savions, nous avons l'espérance ferme que nous allons être ressuscités avec Jésus-Christ. Et que peu importe qu'est-ce qui se passe dans ce petit vestibule, ce petit bride de vie que nous avons comparé à l'éternité, nous allons passer l'éternité avec Dieu. C'est lui qui est la chose qu'on désirait plus que toute autre chose. J'aime ça à ce moment ici, vous dire d'un certain sens que nous autres, comme chrétiens, on devrait comprendre ça mieux que les païens puis les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Mais tu sais quoi? Même Socrate, Platon puis Aristote comprenaient ce point. C'est drôle de dire, hein? 400 ans avant Jésus-Christ, ces trois philosophes païens qui ne connaissaient pas la parole de Dieu, qui ne connaissaient pas Dieu puis qui ne connaissaient pas même Jésus-Christ, ils disaient ceci: personne ne peut faire du mal à l'homme vertueux. Parce que l'homme vertueux ne fait pas de ce monde sa raison de vivre. Fait que tu peux enlever tous ses biens, tu peux même le tuer, mais tu ne peux pas le rendre malheureux. Parce que ce qui lui rend heureux, c'est une vie qui est vécue de manière vertueuse. Et donc, même s'il meurt, il va être heureux. Mais nous, comme croyants, on a une espérance qui est encore meilleure. C'est mieux que juste vivre une vie vertueuse. Notre désir est totalement hors de ce monde. Ce n'est pas juste un désir de vivre bien. Notre désir, c'est Dieu. Quand on réalise ces trois faits, nous sommes capables de dire avec Paul, qu'est-ce qu'on vient de lire dans le verset 18? Il n'y a aucune mesure commune entre les souffrances de ce monde et la gloire qui va être révélée pour nous. Dans les dernières 9 versets du chapitre, Paul utilise la rhétorique, il donne des questions rhétoriques pour ancrer dans nos cœurs la puissance de cette vérité. Fait qu'en conclusion, j'aimerais juste faire quelques commentaires sur ces derniers versets. Verset 31. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Puis là, la réponse devrait être évidente. Personne. Et, sauf que de l'autre côté, tu veux dire, oui, mais attends, tout le monde est contre nous. Fait que, attends, si je crois en Jésus-Christ, je vais être persécuté. Donc, l'idée ici, c'est que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et on veut dire personne, mais en fait, c'est tout le monde. Même Jésus dit ceci: si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Donc, qui peut être contre vous? Tout le monde. Mais ce n'est pas ça le point de cette question. À mon église, nous avons un frère qui est gigantesque. Quand que moi je m'en vais à côté de lui, il est à peu près comme ça, puis il est deux fois ma grandeur. Puis si tu ne l'as jamais rencontré, puis as eu le plaisir de le connaître, c'est le type d'homme que tu ne voudrais jamais rencontrer entre deux bâtiments le soir. Tu comprends? L'idée de cette question, c'est ceci. Si un de mes enfants sent que sa vie est menacée, et il court puis il se cache en arrière de ce frère, qui pourrait être contre lui? Ben, peut-être qu'il y a du monde qui veut l'attaquer. Mais qui voudrait attaquer le petit quand il faut qu'il passe à travers le gros? Tu comprends le point? Et c'est ça que Paul est en train de dire ici. On sait que nous allons avoir tout le monde contre nous parce qu'on est chrétien. Paul, c'est une promesse de Dieu. On peut dire ça de même. Une des promesses sur lesquelles vous pouvez accrocher, tu sais, des fois on entend du monde qui dit... Il faut que vous vous accrochiez sur les promesses de Dieu. Bien, une des promesses qu'on peut s'accrocher dessus, c'est celle que Paul donne à Timothée. Tous ceux qui veulent vivre de manière pieuse vont être persécutés. C'est une belle promesse. Puis, l'autre promesse qu'on peut s'accrocher dessus, c'est que quand on se fait persécuter, qui peut être contre nous? Il continue en disant, « Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? » Par grâce. Il faut lire d'ailleurs, oublie pas, il faut lire ces versets dans le contexte de la souffrance. Tu es en train de souffrir présentement, mais Dieu t'a racheté avec le sang de son seul et unique Fils. Quand on paye un petit peu d'argent pour quelque chose, on peut le pitcher sur la table ou on peut le perdre, puis ça ne nous inquiète pas trop, n'est-ce pas? Quand on paye des prix énormes pour quelque chose, on ne le met pas juste sur le table ou sur le bureau, on fait attention de ne pas le perdre. T'sais, on le met dans une place de sécurité. Les enfants n'ont pas le droit de le toucher. Ils peuvent à peine le regarder. Dieu a donné la vie de son propre fils pour nous, donc c'est impensable qu'il ne nous glorifiera pas. Aussi. Nous lui avons coûté tellement cher dans certain sens. Il a prié le prix le plus fort qu'on pourrait penser pour nous avoir. Ce n'était pas une quantité d'argent. C'était la vie de son propre fils qui a payé pour nous avoir. Ensuite, qui accusera les élus de Dieu? Autrement dit, si Dieu est celui qui justifie, qui va vouloir, qui pourrait penser les accuser? Imagine, Dieu, le juste juge, vient d'être réuni avec son enfant perdu depuis longtemps. Si ce roi vient annoncer au royaume le joyeux retour de son enfant, qui aurait l'audace de lever la main et dire, « Oui, mais monsieur, il m'a volé un cochon. » De l'accuser de quoi que ce soit ou même de parler en mal de cet enfant devant le roi. Personne. Et Dieu n'est pas juste un roi. Il est le Tout-Puissant. Verset 34, « Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. » Et il intercède pour nous. Et nous avons vu que l'Esprit intercède pour nous. Mais maintenant, nous avons une deuxième chose qui nous donne l'espérance, qui nous donne une certaine paix dans la misère. C'est que non seulement est-ce que l'Esprit Saint intercède pour nous, mais Jésus-Christ aussi intercède pour nous. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou le dénuement, ou le pari, ou l'épée. Voyez-vous, on lit ça dans le contexte de verset 18. Il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances de ce monde et la gloire à venir. Qu'est-ce qui pourrait nous séparer de ce gloire à venir? Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de l'avoir quand que c'est Dieu qui la donne? C'est pas la tribulation, c'est pas l'angoisse. Pour la persécution, la faim. Pensez à tout que vous pouvez qui pourrait aller mal dans ce vie. Et Paul est en train de dire ici, il n'y a rien de ça qui peut vous séparer de l'amour de Dieu pour vous. Rien. En Éphésiens 3, Paul déclare qu'il prie pour tous les saints, pour qu'ils puissent comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de qu'ils connaissent l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. On ne peut pas le comprendre. Mais c'est nos garanties. Finalement, dans le reste du chapitre, on lit ceci. « Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. » Psaume 44, 23. « Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir. L'avenir pour nous est inconnu, c'est la noirceur totale quasiment. Ça peut être inquiétant. Ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Paul a connu la souffrance. Vous pouvez lire dans ses lettres à propos de qu'est-ce qu'il a souffert. D'être lapidé. Passer sans nourriture. Etc., etc. Faire naufrage. Être en prison une bonne partie de sa vie d'adulte. Et il est mort comme captif de l'Empire romain. Il en a connu la souffrance. Pourquoi est-ce qu'il est capable de dire ça? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parce que, et on revient au verset 18, il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances de ce monde et la gloire qui va être révélée pour nous. Cette promesse n'est pas pour le temps présent, ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour la journée après, que là tu souffres, mais inquiète-toi pas, ça va arrêter éventuellement. Cette promesse est pour le futur. Vous savez que la seule chose que nous ne connaissons pas, c'est le futur. On sait qu'est-ce qui se passe présentement, on sait d'où on vient. Mais demain, ça nous fait peur. N'importe quoi pourrait arriver demain. On pourrait quitter l'église, puis être dans un accident, puis on pourrait mourir. Ou devenir quadriplégique. Puis des fois, on ne sait pas qu'est-ce qui est pire. Il y a tout plein d'atrocités qui pourraient nous attendre dans l'avenir, puis on ne sait pas, on peut juste les imaginer. C'est le sujet des cauchemars. Mais qu'est-ce que nous savons ici? Qu'est-ce que nous voyons ici? C'est que nous n'avons pas besoin d'avoir peur de l'avenir. Parce qu'on sait c'est quoi notre avenir. On sait c'est quoi. Parce que Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix. Et il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Et on sait, donc, que même si nos vies sont pleines de misère, que nous sommes pauvres, malades, persécutés, sans abri et sans habit, que nous n'avons qu'un ami dans cette vie, il y a toujours au moins une chose dont on peut être sûr. Et s'il y a une chose que je veux que vous quittiez un matin et que ce soit drillé dans la tête, que vous n'êtes pas capable de l'oublier, ça ne me dérange pas de le répéter plusieurs fois. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire revenue qui sera révélée pour nous. Car, si je peux sauter quelques versets, je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourrait nous séparer de l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci Seigneur pour cette belle promesse. Savoir que notre espérance n'est pas dans ce monde. On ne met pas notre espérance dans les amis, dans la famille. Mais que notre espérance est en toi, qui est plus fidèle qu'un ami. En toi qui as vécu la mort, qui a envoyé son seul fils devenir être humain, mourir pour nous, pour que nous on pourrait aller avec toi et devenir vos enfants. Seigneur, on te remercie pour ce grâce. On s'accroche à toi et on a hâte de ton retour. Que ton nom soit glorifié dans nos vies et dans la manière qu'on vit nos vies, même dans la souffrance. Amen.